Micro ouvert. démarre. Et on se trouve à lire et écrire à Molenbeek dans un... Comment ça s'appelle l'endroit Crystal Palace. C'est rigolo comme nom, Crystal Palace. Hein. Ce serait bien d'expliquer un peu c'est quoi ce Crystal Palace. Pourquoi ce nom ? C'était un ancien cinéma, mais j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, c'était un ancien lieu culturel de Molenbeek. Et vous avez gardé le nom alors ? Ben, on a gardé le nom, le propriétaire a gardé le nom et nous, on s'est installés ici. Mais donc c'est devenu un énorme, comment on dirait, c'est un énorme espace avec plein de d'associations, mais j'ai pas bien tout regardé. J'ai vu qu'il y avait une radio aussi, un journal plutôt. Il y a Maghreb TV qui s'est installé récemment. Il y a la Fédération des étudiants francophones, je crois. Et puis une société de logements sociaux, une aide au logement ou quelque chose, je ne sais plus trop. Okay. Quoi, des fois, vous vous parlez les uns les autres, vous avez des connexions ou pas du tout? Chacun fait sa petite popote dans son coin. Maghreb TV, on a essayé de les joindre récemment, mais pour l'instant, on n'a pas réussi. Mais oui, on va essayer de mettre en place des connexions. Allez, on démarre alors. Comment ça se fait que je suis là, moi ? Tiens, c'est grâce à... Mais c'est tous des liens. Hein. Il y a d'abord Delphine, par le biais de... Caroline, voilà. Caroline Heller. Et puis maintenant, Aurélie. Est-ce que tu peux un peu présenter les gens qui sont là ? Parce qu'il y a plein de gens, ça ne se voit pas en radio. Ça qui est génial, hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Neuf, avec deux enfants là, mais qu'on n'entendra pas, je crois. Allez. Alors, je ne vais pas présenter chacun avec les prénoms, parce qu'en plus, je retiens jamais les prénoms. J'en suis vraiment désolée, mais vous aurez l'occasion de vous présenter. Par contre, je vais présenter un peu le projet, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble ? Donc, nous, à Lire et Écrire, tous les 8 septembre, on prépare une action de sensibilisation et d'information. Pourquoi le 8 septembre ? Parce que c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, donc, on a travaillé autour de cette campagne sur ce qu'on a appelé les oubliés du numérique. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était de s'associer avec d'autres associations qui ont pu faire les mêmes constats que nous. Et notamment, donc aujourd'hui, on partage cet espace avec la Porte Verte et le Piment, qui en plus sont des voisins. Donc c'était très pratique à organiser parce qu'ils sont tous les deux basés sur Molenbeek. Et alors pourquoi ces deux associations ? Parce que quand on a lancé une sollicitation aux acteurs de l'Alpha pour leur demander s'ils voulaient participer aux interviews du 8 septembre, la Porte Verte s'est manifestée, donc voilà, on a sauté sur l'occasion. Et le Piment, parce que cet été, alors que nous-mêmes, on était encore en train de réfléchir à notre propre campagne, ils ont lancé, je dis cet été, mais c'est peut-être un peu avant, ouais, c'était même au printemps, ils ont lancé des capsules qu'ils ont appelées précarité numérique et qui, moi, m'ont laissé vraiment admirative du travail qui a été mené avec les stagiaires. Alors, je suis contente que deux soient là aujourd'hui. Voilà. Donc, les stagiaires, les apprenantes, hein, parce que comme ça, on comprend mieux aussi. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, voilà, et c'est comme ça que je leur ai proposé de venir participer à cet échange avec nous, parce que finalement, on a fait les mêmes constats, on dit la même chose, et eux l'ont fait savoir grâce à ces capsules vidéo. Voilà. On démarre alors peut-être avec les deux dames apprenantes. Pour expliquer un peu, comme ça on rentre un peu dans le vif du sujet aussi, la précarité numérique, qu'est-ce que c'est ? Qui commence ? Qui a envie de commencer ? Qui se sent ? Alors, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tu te présentes ? Je m'appelle Jessica. Je suis stagiaire au Piment. Oui. Ce que j'ai compris sur la précarité numérique, Donc, on a eu déjà des questions sur ça, parce qu'on a différents de vidéos, de témoignages avec les vidéos. Donc, on nous a un peu demandé comment ça se passe à la maison avec le confinement. Et il y avait des autres qui n'avaient pas assez de moyens pour travailler à la maison, parce que déjà, nous autres, on a des enfants. Donc, c'est très difficile de travailler à la maison avec les enfants. Il y a des autres qui n'ont pas assez de matériel pour travailler. Et il y a des autres qui n'avaient pas le moyen, la connexion Internet. Donc, c'était un peu difficile. Il y a des autres... Mais parle peut-être... Oh là là, j'ai crié, exagéré. Mais parle peut-être pour toi, dans ton vécu. Donc, il y a eu le confinement. Ça a aussi mis en avant, on le sait, le fait qu'il y a une grosse fracture là, à ce moment-là, de réaliser qu'en fait, on est tous enfermés chez soi et tous connectés comme des malades. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y a un pourcentage de la population qui ne peut pas se connecter, qui n'a pas d'ordinateur. C'est ça ? Et alors, toi, tu l'as vécu comment, ça, ce confinement, alors, par rapport à ce numérique ? C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mais on a fait avec parce qu'on n'avait pas le choix. On a fait avec. On nous envoyait des travaux. On faisait à la maison. Mais il y a un moment, on était stoppé. Il y a un moment, c'était un peu difficile de continuer parce que on apprend à l'école. C'est facile quand on vous explique les choses. Mais quand on est à la maison, vous avez juste des travaux par mail, sans explication, c'était un peu difficile. Parce que moi non plus, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, je le faisais qu'avec mon téléphone, qui n'était pas facile du tout, en tout cas. Ce n'était pas facile du tout. On a essayé, mais on a dû s'arrêter parce que ce n'était pas facile. Oui, donc ce n'est pas si simple tout ça, alors qu'on en parle... Au fond, on n'en parle pas souvent de ça aussi, du fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas accès à l'ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet, que c'est compliqué, qui ne savent pas comment utiliser cet outil. On fait comme si je trouve qu'on en parle rarement, quoi. C'est rarement mis sur la table. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en tout cas, c'est rarement mis sur la table. C'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que ce n'est pas tout le monde... qui a les moyens peut-être de souffrir à un ordinateur, ou c'est pas tout le monde qui a la connexion Internet à la maison, ou c'est pas tout le monde qui sait utiliser l'ordinateur. C'était ça le problème, en fait. Ouais. Et donc, tu te trouves... Enfin, là, peut-être c'est encore, mais ça fait partie du sujet. Donc, tu trouves des lieux comme ça, où il y a moyen d'apprendre. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça pour apprendre comment ça fonctionne Internet, comment ça fonctionne un ordinateur ? En tout cas, il y a le moyen. Parce que nous, même au Piment, on a un professeur qui nous apprend comment utiliser l'ordinateur. On a ça, en fait. Il y a le moyen d'apprendre. Voilà. Toi, en tout cas, tu as envie d'apprendre. Oui, j'ai envie d'apprendre parce que j'ai déjà appris un peu. Quand même, moi, j'ai déjà eu cette chance-là. J'ai appris un peu. J'ai envie de continuer d'apprendre, en fait. Ouais, parce que je ne sais pas assez, mais... j'ai envie de continuer à apprendre. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Parce que je sais que tu dois t'en aller. Non, je crois que ça sera... T'es sûre ? Non, en fait, comme moi, ça. Je remercie les PIMA, parce que même dans le confinement, ils ont été là pour nous. Tous les professeurs ont été là pour nous. Et ils nous ont soutenus moralement. Et voilà. Franchement, merci, parce que... sans eux, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais seule à la maison avec ma petite fille. Ce n'était pas facile non plus. Et voilà. C'était un moment difficile. Mais ils ont été là pour nous. Ils nous ont soutenus. Et voilà. Merci. Heureusement qu'il y a des gens encore comme ça. Ouais, heureusement qu'il y a des gens encore comme ça. Ils ont un grand cœur. Parce que quelqu'un qui n'est pas de ta famille ne peut pas faire ça. Mais eux, ils ont fait ça. Même le professeur qui ne me donnait pas cours, tu voyais, on m'envoyait un mail. Et quand tu lisais les mails, ça faisait fait chaud au cœur. Donc, voilà. Merci à toi. Merci. Eh ben, on va en passer à la deuxième dame apprenante. On dirait que c'est ça va aller. Hein. Ça va aller. Je vais me mettre à côté de toi parce que sinon, quand je m'accroupis, ça crée un problème maintenant. Ton prénom, si tu veux, hein, sinon t'es pas obligé, mais c'est toujours mieux. Moi, c'est Sandrine. Ça va, Sandrine ? Oui, ça va. Alors, toi, comment est-ce que tu peux témoigner alors de cette fracture numérique, mais ce n'est pas précarité numérique ? Bon, moi, au début, quand David, le professeur, nous envoyait des messages pour le faire, j'étais un peu, parce que c'était ma première fois, c'est pas vraiment facile de faire une vidéo, expliquer et tout, pour que tout le monde puisse voir, vraiment, c'était un peu difficile pour moi, mais bon, avec ma collègue, on a parlé, on a échangé, c'est un truc, il faut te ressaisir, et là, c'est pas un truc difficile, donc j'ai fait la vidéo. Bon, pendant le confinement, c'était pas vraiment facile pour suivre les cours. Moi, j'avais l'ordinateur et puis la connexion. Mais je préfère quand c'est en classe. Là, le professeur, il explique bien. Mais à la maison, il y a déjà problème de foyer. Il faut gérer. Et puis, tu es sur l'ordinateur. Tu ne comprends pas. Il faut l'appeler. Souvent, il est occupé pour expliquer. Ce n'est pas comme quand c'est en direct avec lui. Il t'explique. Tu vas au tableau et tu comprends mieux. Mais à la maison, c'était un peu difficile. Mais ce que je pouvais faire, je fais. Mais ce que je n'arrivais pas à faire, je l'appelle pour lui. Non, je ne peux pas parce que je n'arrive pas à mieux faire l'exercice et tout. Donc, c'était un peu difficile, mais bon, ça va. Ouais, mais ce que vous dites toutes les deux, c'est que, si j'entends bien, c'est que, OK, c'est difficile, on apprend chez soi, mais en fait, vous préférez vraiment être en vrai, en apprentissage, avec les gens. C'est ça aussi que vous mettez en avant, parce qu'on parle de fracture numérique, de précarité numérique, c'est une chose. Et puis, il y a aussi le fait d'aimer être les uns avec les autres, de se toucher, de se regarder, d'être en vrai dans la vie, quoi. Oui, mon professeur, d'être vrai, quoi. Ensemble, on échange, je comprends pas, il t'explique, et on apprend mieux ensemble qu'être seul. Ouais, donc c'était ça. Ça a dû être difficile durant le confinement. Ah ouais, c'était un peu difficile de rester à la maison, fermé. Vraiment, c'était difficile. Et chaque fois que tu en prends à la télé, il y a eu un nombre de serres et tout. Donc, j'avais peur pour moi, mais parce que quand je descends, je ne sais pas quand je vais rentrer, si je vais rentrer à le virus ou pas. Donc, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. C'était difficile, mais bon. OK, OK. Et que dire d'autre ? Tu as envie de rajouter quelque chose spontanément ? Oui, je remercie le piment et tout le monde. Ouais, parce que vraiment, non, ils étaient vraiment là pour nous. Et pas lire et écrire Non. Oui, en tout cas, ce que ça fait prendre conscience, c'est qu'heureusement qu'il y a encore des gens qui travaillent comme ça au lien, à aider les autres, quoi. C'est chouette, ça. Oui. Donc, c'était pour leur dire merci et pour leur soutien. Vraiment, ils ont un grand cœur pour nous, quoi. Donc, c'est juste ça. Merci beaucoup, puis moi. Et les stagiaires, on était tous en contact. Il y en a qui écrivaient, ça va, aujourd'hui, comment c'est passé et tout. On essaie de voir des contacts des autres pour voir comment ça va, quoi. On se soutient et tout, donc c'était bon. C'est bien. C'est fini, c'est bon ? Tout dit ? Pour le moment, oui. Pour le moment, oui, après. Peut-être après ? OK. Ben on entend le piment, on a envie de lui donner la parole. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le piment. Qu'est-ce que c'est le piment ? Qui c'est le piment ? Qui a envie ? Renaud ? Oui. Voilà, le piment, moi je suis relativement nouveau au piment, donc je n'aurais peut-être pas l'avis le plus complet, mais le piment, c'est une assoce. On est ici à Molenbeek, on est tout près du Crystal Palace, à deux rues. Alors, on a pas mal de formations différentes. Alors ici, moi, je suis formateur en ce qu'on appelle l'ISP. C'est l'insertion socio-professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on est en formation avec des adultes qui apprennent en priorité le français. Mais c'est aussi après pour pouvoir se réinsérer sur le marché du travail. Donc, dans nos formations, il y a aussi des stages après en entreprise. Donc voilà, c'est pas que du français, c'est aussi c'est aller un peu plus loin, quoi. Il y a d'autres formations aussi. Au Piment, on a des formations pour les électriciens et aussi pour les employés en bureautique. Et puis après, on a des groupes, on a aussi des groupes en cohésion sociale, donc qui ont moins d'heures par semaine. Donc, voilà, ça c'est un peu pour. Des groupes en cohésion sociale, ça veut dire Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? Peut-être Victoria, tu pourrais être plus complète que moi là-dessus. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu travailles, du coup ? Il y a pile un an au Piment. Okay. Voilà. Mais avec le confinement, du coup, en fait, j'ai travaillé jusqu'au mois de mars. Et puis après, on est resté à la maison jusqu'à juin, quoi. Voilà. Mais moi, je suis encore plus nouvelle. Moi, je m'appelle Victoria et je travaille au Piment depuis décembre. Et moi, je m'occupe plus du volet éducation permanente. Parce que du coup, le Piment, c'est aussi de l'éducation permanente. Et donc, le groupe de cohésion sociale, c'est un groupe qui a moins d'heures et qui est éventuellement plus en situation, je ne sais pas comment dire, au niveau de la régularisation des papiers, ouais. Des choses comme ça. C'est, voilà, ça aborde différentes choses. Ça prend des cours de français aussi, mais ça cherche aussi à faire découvrir un petit peu... je sais pas, moi, la vie ici, c'est créer des liens, parce que parfois, les gens sont un peu fragmentés, enfin, je sais pas comment ça te dit comme ça, mais voilà, et du coup, ça, voilà, cherche un petit peu à faire de la cohésion de groupe, quoi, voilà, se retrouver, partager, c'est un peu ça, j'ai l'impression, les valeurs de cohésion sociale, et voilà. Bah donc, tous les deux, vous n'êtes pas là depuis non plus longtemps, quoi. Donc, vous n'avez pas une grande expérience dans ce métier-là. Ou peut-être avant, oui, encore. Non, moi, je n'ai pas une très, très grande... Moi, j'ai travaillé aussi à la Chaumière, à Laeken, mais pendant un an. Donc, moi, c'est... Et qu'est-ce que c'était, la Chaumière? C'est aussi un centre qui fait aussi de l'ISP. Ah, voilà, voilà. Donc, tu reviens... Oui, mais sinon, je n'ai pas beaucoup plus d'expérience. Non, c'est, okay. C'est le début pour moi, vraiment. Et toi, alors? On est jeunes et motivés. j'ai terminé mes études en écologie sociale et avant j'étais en études d'art. Donc voilà, Prends des pistes un peu qui sont pas ce que tu avais prévu. Bah si, au final, je trouve que je me retrouve dans un endroit qui fait que ça combine mes intérêts, je pense, du coup, le social, le culturel. Enfin, c'est des choses et des questions qui m'intéressent, donc. Oui, moi je me retrouve à un bon endroit. Et alors il y a la porte verte. Présentation. Bonjour, moi c'est Tri, donc je suis coordinateur à la porte verte. Alors la porte verte, c'est un centre social polyvalent, qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça fait 45 ans qu'on existe et qu'on travaille sur Molenbeek. Grosso modo, on a un centre social, une école de devoirs, une crèche, un service d'aide alimentaire et un restaurant social. Moi, je coordonne le service Alpha, d'où ma présence pour parler de fracture numérique. Combien d'années, alors, tu fais ? Moi, je tutoie facilement, hein, mais bon, avec tout le respect, évidemment. Combien d'années que tu bosses là-dedans ? Ça fait un peu plus d'un an, donc pas tellement longtemps. Auparavant, j'ai travaillé dans l'ISP, justement, en tant que formateur informatique. Donc, les questions de pédagogie sont très prégnantes depuis plusieurs années. Et voilà, avec la situation du Covid, on voit que le mouvement s'accélère. De quel mouvement tu me parles ? Parce que là, on se perd. La numérisation des différentes institutions. Et donc, je remercie Lire et Écrire pour justement son action de sensibilisation. On va tous se remercier les uns aux autres tout le temps. Donc voilà, et c'est très important parce que justement, depuis quelques mois, on voit qu'il y a une accélération. On voit qu'il y a une accélération du mouvement de numérisation. On voit qu'il y a de plus en plus de difficultés. Donc la Porte Verte travaille essentiellement sur des valeurs de cohésion sociale et d'éducation permanente. Donc notre public est extrêmement précaire. Et donc on constate vraiment qu'il y a une difficulté par rapport à l'usage de l'outil informatique, que ce soit tant l'ordinateur que les smartphones, parce qu'il faut distinguer tout ça. La manière d'apprendre et de comprendre ces outils sont très, très différents. Bon, là, il y a le volet des apprenants, mais il y a également le volet de l'équipe. J'imagine qu'on pourra en discuter plus longuement par après. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis le volet de l'équipe ? De quoi tu parles précisément ? Alors, la fracture numérique, elle peut toucher tout le monde. Donc, il y a une fracture tant d'accès, donc l'accessibilité aux différents outils, mais la fracture d'un point de vue usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Donc, il y a des travailleurs qui, en effet, sont soit réticents, soit ne connaissent pas. Par moment, je suis également en situation de fracture numérique. Par moment. Exemple ? Il m'est arrivé d'essayer d'installer un programme sans vraiment y parvenir et d'abandonner, tout simplement. Est-ce qu'on peut parler là de fracture numérique ? Si, il y a des degrés, justement. Il y a différents degrés. Il y a de grands fracturés, des moyens fracturés, des grands fracturés. Je ne suis pas un grand fracturé parce que je connais l'outil et je peux m'adapter. Mais il y en a d'autres qui ne savent même pas ouvrir une session d'ordinateur, par exemple. Est-ce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit ? Parce que j'ai l'impression que la fracture plus ou moins grande, c'est aussi un monde qui fait qu'on doit s'adapter tout le temps. Tu vois, donc voilà, une fois que tu as les codes, bah ok, tu es censé t'adapter tout le temps. Mais par contre, la précarité numérique, c'est vraiment ne pas avoir les outils de base pour y aller, quoi. C'est peut-être ça qui est chouette aussi de préciser un peu, voir... Hein, réaction, t'as envie de dire ? Oui, non, laissons parler les autres. Oui, moi je pense que c'est important de distinguer. Tu peux être volontairement, si tu veux... Allez, moi, j'ai pas envie de dire précariser numérique parce que tu as les moyens, les outils, la connaissance, et tu peux décider de ne pas utiliser un smartphone, tu peux décider de pas utiliser tous les outils technologiques autour de toi, mais tu en as encore la possibilité et tu en as la connaissance. Pour moi, ce qui pose problème, comme tu dis, il y a une numérisation un peu de la société et l'oubli du numérique. Moi, je trouve que ça porte vraiment très bien le nom. C'est que on voit que, par exemple, les banques et plein de systèmes publics mettent de côté complètement, en fait, les gens qui, enfin, ne prennent pas en compte les gens qui n'ont pas de smartphone. Moi, jusqu'à peu, j'avais pas de smartphone. Home banking, c'est nouveau pour moi, hein, c'est dire. Voilà. Mais je sais comment ça fonctionne. J'ai un ordinateur à la maison, j'ai une connexion, etc. Donc voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que on oublie, on met en avant sous un peu le chapeau du progrès. Voilà, c'est plus vite, enfin c'est plus rapide, c'est plus pratique. On oublie un peu les questions de sécurité aussi à ce niveau-là pour un peu aller vers le progrès en oubliant tous ceux qui n'ont pas les moyens derrière. Et du coup, parfois, on oublie même le contact humain. Ça veut dire qu'à la banque, tu vas plus spécialement avoir quelqu'un qui va pouvoir venir t'aider. Alors moi, j'ai eu une formation home banking pour voir un peu ce qui était possible. On m'a dit non, il y a encore parfois des services où quelqu'un va venir t'aider, etc. Mais ça va, à mon avis, tendre à disparaître si on ne fait pas quelque chose pour justement visibiliser les oubliés du numérique ou les... Enfin, voilà. Toi, tu préfères les oubliés que les précarités. Que les précariser. Non, c'est parce que c'est le titre de la campagne. Non, mais c'est intéressant. Hein, le titre de la campagne, c'est les oubliés du numérique. Voilà, c'est ça. Mais ça parle de la précarité numérique et du coup, de tous les impacts que ça peut avoir dans la vie concrète. Parce que ça peut être, on a eu un cas, par exemple, un rendez-vous au CPAS par mail. Sauf que la personne avait spécifié qu'il n'avait pas d'accès à Internet et tout. Et donc, après, tu te retrouves... avoir loupé ton rendez-vous, mais pas intentionnellement, mais on sait bien que ça, c'est un peu effet boule de neige et ça pose problème après. Mais voilà, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on oublie que des gens n'ont pas les mêmes moyens. Tu crois que c'est un oubli? Non, mais je veux dire, c'est une vraie question. Hein. On n'a pas conscience de ça. Moi, mais qui on? C'est qui le on? Ben, c'est... J'en sais rien, je pense que la majeure partie des gens, c'est tellement, tellement normal dans certaines classes qu'en fait tu oublies que... voilà. Parfois c'est un ordinateur pour tout un foyer et du coup c'est quoi, il faut arriver à, t'as des choses à faire mais ton enfant il a des devoirs à faire par exemple pendant le confinement et du coup toi aussi t'as des cours parce que ça on oublie, il y a eu beaucoup de bruit autour des dons d'ordinateurs pour les étudiants, les enfants qui vont à l'école etc. Mais tout ce qui est formation adulte, on a un peu oublié, il n'y avait pas vraiment de mobilisation à ce niveau-là. C'est pour ça qu'avec les capsules, on a vraiment voulu visibiliser ça, c'était super important et c'est pour ça que c'était aussi merci, tout le monde remercie tout le monde aujourd'hui, mais du coup on remercie vraiment les stagiaires qui ont participé à ça parce que ça a permis de mettre un visage et une voix sur ce qui était oublié quoi. Voilà. Oui voilà, mais avant parce que il y a non c'est... tu vas pas parler toi Delphine? Non, moi en fait je me suis occupée de la communication de cette campagne de sensibilisation, donc de faire en sorte que notre message soit diffusé au plus grand nombre, que ce soit auprès des journalistes, sur nos réseaux sociaux. Et donc voilà, moi, le sujet, évidemment, m'intéresse énormément parce que je travaille pour Lire et Écrire. dans le service communication. Je suis responsable d'un autre projet qui n'a rien à voir avec cette campagne, qui s'appelle les Jeudis de cinéma. Je ne sais pas si on peut en parler. Mais voilà, moi, mon job à moi, c'est à la fois de faire partie de ce service communication. Et donc, une chargée de com', c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc, dans ce cas-ci, de faire passer le message de la campagne. Mais aussi, à côté de ça, j'ai ce projet des Jeudis du cinéma qui permet aux associations d'alphabétisation bruxelloise d'emmener leur groupe une fois par mois, un jeudi par mois, au cinéma Vendôme pour voir un film en version française et débattre à propos de ce film. Oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais ça, c'est en cours, ça. Ça continue. Et j'ai un groupe de collègues qui sont pédagogues et formateurs qui m'aident à élaborer des fiches pédagogiques pour permettre aux formateurs en alphabétisation de travailler les films avec leur groupe avant de le visionner et après. Okay. Ben on en reparlera. Hein. Oui. Mais oui, comme on va rester dans notre sujet. Non, mais c'est chouette, ça, là. Je veux dire, moi, je suis là pour rassembler, mais c'est chouette que Delphine en parle. Voilà, on reprend. Alors, Aurélie, un peu la chef, là. Toi, ça fait combien d'années que tu travailles ? Oh, ben, moi, l'alphabétisation, ça fait 20 ans. Oula, il y a sûrement plein de choses à dire. Je suis un peu un dinosaure. En tout cas, ici, je vois tous ces jeunes. Voilà, mais moi je voulais revenir sur la notion des oubliés du numérique pour préciser certaines choses, parce que c'est vrai, bon, ça a déjà été bien expliqué par Victoria. Mais derrière les oubliés du numérique, il y a ce qu'on rappelle tous les ans, nous, à l'occasion du 8 septembre, il y a un adulte sur 10 qui a des difficultés avec l'écrit. Et ce qu'on oublie souvent, et c'est ça, donc il y a deux fois un oubli d'une certaine façon, c'est que le numérique, c'est nécessairement de la lecture et de l'écriture. C'est rien d'autre. Donc, et c'est ça qu'on montre avec... Oui. Moi, quand tu dis ça, j'ai l'impression que non, c'est pas que ça. C'est aussi utiliser une souris, un clavier. Enfin, non, pour moi, non, j'ai l'impression que non. Ben, oui et non, c'est-à-dire que bien sûr il y a des gestes, on va dire techniques, qui permettent de se déplacer dans l'espace et de faire le lien entre un déplacement horizontal d'une souris et un déplacement vertical sur un écran. Donc ça c'est évident. Ou bien de taper sur un clavier et de voir la correspondance, ou bien sur un écran de GSM, ça clairement, qu'il y a ces apprentissages-là qui sont nécessaires. Mais la façon qu'on a de s'adresser à la machine, quelle qu'elle soit, que ce soit pour prendre un ticket de bus dans une borne, que ce soit pour faire un banc contact, retirer de l'argent, ou bien n'importe quelle transaction sur Internet, c'est de la lecture et de l'écriture. Nécessairement. Même écrire un SMS sur un GSM, c'est de l'écriture. Alors, quand on parle de la lecture et de l'écriture, c'est pas toujours de la lecture et de l'écriture dite experte, lire un roman, écrire un roman, ou, enfin, tu vois, c'est la lecture et l'écriture, c'est mille et une façons, d'être dans des moments de communication, et le numérique n'est que ça. Et ce qu'on a oublié, c'est que on est dans une société moderne avec un enseignement obligatoire, une société riche, très développée, qui a quand même un adulte. Un peu bête, hein, quand même. Pardon ? Un peu bête, là. Bête, je ne sais pas. En tout cas, il y a des moyens. Non, mais je... T'as vu ce qu'on est devenu, quoi. Oui, mais pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je dis qu'on est riche et développé. Pourquoi ? Parce qu'on a un enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans. Tous les pays ne peuvent pas se prétendre avoir et organiser un enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans. Et malgré ça, il y a toujours dans notre société, et ça depuis 30 ans, une personne sur 10 qui est en difficulté avec l'écrit. Un adulte sur 10. Oui, mais quand tu dis ça, moi, je l'ai lu, mais quoi ? Enfin, moi, j'ai aucune notion. C'est beaucoup ? C'est pas beaucoup ? Qu'est-ce que, tu vois, un adulte sur 10 ? Oui, enfin, quoi ? Ben, ça pose quand même question, parce que, justement, dans une société où l'enseignement est obligatoire, il faut bien comprendre que, bon, si on prend cette partie-là de la question, et il n'y a pas que cette partie-là, mais notre enseignement obligatoire ne permet pas à tous les jeunes de réussir. Toujours pas. Toujours pas. Donc, chaque année, il y a entre 2 et 3 000 enfants qui sortent des primaires au niveau du CEB sans avoir les savoirs de base. Et ces personnes-là, Mais ensuite, elles vont devenir... Alors, elles vont faire un passage dans le secondaire qui, la plupart du temps, ne va pas être très heureux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce qu'on n'a pas appris dans le primaire, on ne l'apprend plus dans le secondaire. Donc, c'est fini définitivement. Donc, les gens qui n'ont pas appris, étant enfants, à lire et écrire, n'apprendront plus tard. C'est sûr, ça? C'est sûr? Alors, dans l'enseignement, c'est sûr. Comment tu es sûre de ça? Mais parce que les personnes témoignent. Après, quand elles arrivent chez nous, après un passage dans l'enseignement et qu'elles nous expliquent comment elles ont galéré pendant leur parcours. Et puis, alors, il y a les témoignages directs de ces personnes. Et puis, il y a aussi les indicateurs de l'enseignement, tout simplement. Donc ça, c'est une mine d'or. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, chaque année, produit ses propres indicateurs. Elle analyse tout ça et elle montre très bien à quel point il y a un processus d'échec qui se reproduit d'année en année. Et qui est dû à ça, de ne pas avoir les bases de lire et écrire, quoi. Voilà. Et donc, les oubliés du numérique, ça met la lumière sur cette question en disant, dans notre société, la question du numérique, et la difficulté, les apprenantes ont très bien décrit comment cette difficulté était présente chez elles, que ce soit une connexion, un problème de matériel, ou évidemment, mais ça se surajoute sur une difficulté qui est déjà là à la base, qui est une difficulté avec l'écrit déjà. Donc ça, c'est un truc en plus qui vient encore plus compliquer la vie. Et pour terminer sur la question de comment ça s'articule avec la précarité, mais en fait, on voit bien que dans cette espèce de course en avant de numérisation des services publics ou des services d'intérêts généraux, ça devient maintenant presque comme une norme. Et je donne un exemple, par exemple, les banques, il y a maintenant des banques qui sont complètement dématérialisées. Il n'y a plus de bureaux, il n'y a rien du tout. C'est les banques les moins chères. C'est les banques qui coûtent, si vous voulez, ou même dans une banque qui a encore des bureaux, si vous voulez un compte gratuit, il faut prendre un compte Internet. D'accord ? Voilà. C'est comme ça. Et vous devez faire toutes vos transactions sur Internet. Si vous avez le malheur d'aller au guichet pour faire un virement parce que vous ne savez pas le faire par Internet, on va vous le faire payer. Voilà. Pareil, par exemple... la connexion Internet, on parlait de ça tout à l'heure, tout le monde n'a pas de connexion Internet. Les entreprises privées qui mettent en place des connexions Internet au plus bas prix, comme les connexions GSM d'ailleurs, les abonnements GSM, ce sont des entreprises dématérialisées. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de boutique. Okay, voilà. Si vous allez là, c'est là que vous aurez les prix les moins chers. Okay. Mais en fait, il faut faire tout par Internet à nouveau. Et quand vous allez dans les boutiques, là, vous n'avez pas accès à ces fonctionnements moins chers. Et donc, ça renforce d'autant plus donc, les questions de précarité, puisque les gens qui n'ont déjà pas les moyens, finalement, de faire toutes ces transactions par Internet, sont en plus pénalisés financièrement parce qu'on leur fait payer un service, entre guillemets, en présentiel. Donc, c'est complètement paradoxal. Et c'est là que, donc, nous, ce qu'on essaye de montrer au travers de cette campagne, c'est surtout de dire que les personnes en difficulté avec l'écrit, elles sont encore plus en difficulté avec le numérique. Voilà, c'est une double difficulté. Que là, c'est bien clair. Hein. Oui, c'est une double, pardon. C'est une double difficulté. Quelqu'un a envie de rebondir sur ça? Oui, je vais un peu compléter ce qu'elle a dit sur tout ce qu'il faut faire sur Internet, parce que tout maintenant se fait souvent sur Internet. Même le virement, c'est fait sur l'Internet. Tu veux payer les loyers, c'est sur Internet. Toutes les factures maintenant, c'est fait sur Internet. Quand tu veux appeler peut-être la banque, je n'arrive pas à imprimer. Non, mais il faut le faire sur Internet. Et il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ça, vraiment, il y a des gens qui ne savent pas faire ça, parce que il y a des personnes qui n'ont pas été à l'école, les étrangers. Il y a des gens qui ont quitté peut-être l'Afrique. Ils n'ont jamais été à l'école. Quand ils viennent ici, ils trouvent ces nouvelles technologies, ça devient un peu plus. Quand tu vas à la banque, ils n'ont pas cet état-là à t'expliquer tout. Ils te disent, non, tu peux tout faire à la maison. Mais moi, je n'ai jamais été à l'école. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Comment je vais faire ça? Donc, quand il y a des écoles qui apprennent à lire et à écrire, vraiment, moi, j'encourage les gens d'y aller, d'avoir ce courage-là. Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, j'ai honte. À cet âge que j'ai, ils vont dire que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il y a même des gens qui ne savaient pas écrire leur nom, ni prénom. Je connais même des jeunes filles. Quand tu lui dis, va suivre une formation ou un cours pour savoir lire et à écrire, ils te disent, à mon âge, c'est honté. Ils vont se moquer de moi. Moi, je le dis souvent, non. Il faut avoir ce courage-là de ne pas dire qu'ils vont se moquer de moi. Non, il n'y a personne qui peut se moquer de personne parce qu'on vient de pays différents et on est dans un pays libre et on est dans un pays qui te permet à tout avoir. Tu peux tout recommencer et ben voilà. Nous tous tout. Ben pas tout, mais quand même il y a le maximum. Je veux dire pas vraiment maximum, on a vraiment le minimum qui peut nous aider à apprendre à écrire et à apprendre à lire. Donc il y a des gens qui se freinent, mais il y a C'est pas toujours facile de s'y remettre, comme tu dis, mais chacun fait comme il peut, non? Oui, mais aussi, il faut avoir le courage. Parce que si tu n'as pas ce courage-là de se dire, je peux y aller, je peux toutefois essayer, on dit, c'est qui essaye, ne échoue jamais. Tu peux toutefois essayer, tu essayes et tu verras le résultat que tu peux avoir. C'est pour ça qu'on dit que quand on va peut-être au CPAS, pour le moment, on te dit, non, il faut prendre le rendez-vous par Internet. Par mail. Ouais, mais ça c'est pas vraiment un souci. Hein. Ça, c'est vraiment un souci pour le moment. Tu ne sais pas utiliser l'Internet, tu ne sais pas envoyer un message, tu ne sais pas lire un message. Il y a des gens qui n'ont même pas des adresses mail. Ça devient difficile pour eux. Ça devient très, très difficile. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, mais comme il y a des associations ou de formations qui peuvent les aider, vraiment, que les gens puissent avoir ce courage-là de le faire. Ouais. Ben voilà, oui. Moi, ce que j'avais envie d'aborder, vous, quelque chose, envie de rebondir sur ce qu'a dit votre amie. Ouais. Mais Jessica a parlé de courage, mais je trouve, moi j'ai envie de rebondir sur ça, c'est aussi de courage, parce que je trouve que le fait qu'on ait pu, enfin on a essayé d'avoir un maximum de témoignages de nos apprenants, et je trouve qu'il a fallu beaucoup de courage aussi à tout le monde pour que ces témoignages ils puissent se mettre sous forme de vidéo et puis ils puissent être publiés et visibles. Et pour moi, je crois que c'était peut-être l'aspect le plus important, personnellement, de pouvoir rendre ça visible. Parce qu'on a parlé des oubliés, on a parlé des naufragés du numérique, on a parlé de la précarité, mais voilà, moi je trouvais ça vraiment bien et chouette, et ça m'a vraiment, à un moment donné du confinement où c'était difficile d'être tous séparés, de voir qu'on avait cette force ensemble de pouvoir rendre ça visible, quoi. Et grâce à nos apprenants qui ont pu témoigner, et ils ont vraiment fait preuve de courage là-dessus. Voilà, moi je trouvais ça vraiment intéressant, et donc je suis content d'entendre Jessica et Sandrine aussi parler de ça aujourd'hui, et aussi d'avoir eu le courage de parler aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc, voilà. Moi je voulais rebondir sur ce que Sandrine disait tantôt sur le fait que le groupe manquait dans la formation, parce que quand on parle de tout numérique, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, j'en fais partie d'ailleurs, pour plein de choses de ma vie privée, si je puis dire, je suis très contente de pouvoir faire les choses sur Internet, je suis très contente, voilà, ça me simplifie bien la vie, et donc je suis pas en train de dire, oh, le numérique, c'est pas du tout bien. Mais quand tu dis ça me simplifie bien la vie, quoi, ça veut dire que tu gagnes du temps, explique un peu, quoi, t'aimes bien quoi, en fait? Mais par exemple, voilà, quand Jessica dit les virements sur Internet, moi, honnêtement, à titre personnel, je trouve ça très pratique, et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un virement sur Internet le soir, quand tu es bien tranquille, voilà. que de se déplacer jusque-là, en fait, c'est ça l'idée. Voilà, que d'aller à la banque pour aller remettre un papier, enfin voilà, moi ça me semble effectivement un peu d'un autre siècle. Donc, je ne suis pas en train de faire le combat des anciens et des modernes en disant Internet, c'est tout mal, la numérisation, c'est tout mal, voilà. Peut-être que oui, quand même. Mais C'est pas ça le propos. En fait, ce qui me semble intéressant, et Sandrine en a parlé, c'est que, en fait, le numérique, il y a des choses qu'il ne sait pas remplacer du tout, du tout, du tout. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Alors, la formation, telle que nous, on la conçoit, que ce soit en cohésion sociale, en éducation permanente et même en insertion socio-professionnelle, en tout cas, la formation, ça a une dimension collective. Ça se fait dans un groupe, ça se fait avec un ou un formateur, une formatrice. Et toutes ces interactions-là, on ne sait pas les reproduire sur Internet. Même avec Zoom ou d'autres, Teams, enfin bref, toutes ces applications qui permettent de se mettre ensemble, on n'est jamais ensemble que derrière un écran, autour d'un écran. Et en fait, les vraies interactions qui font qu'un groupe existe, qui a vraiment une entraide, une compréhension fine des difficultés, qu'on peut, comme Sandrine disait, aller au tableau pour montrer là où il y a un problème, où on peut... Oui. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est se regarder dans les yeux, se sentir, se percevoir, voilà. Et tout ça, quoi. Se échanger un sourire quand on voit que l'autre a difficile, ou faire un yes quand on voit qu'on a réussi quelque chose. Hein, c'est tout ça qui nous manque et qu'on n'a pas avec Internet. Et même, je dirais, presque le côté sensuel, quoi, d'être là les uns à côté des autres. Oui, ça fait du bien et on en a besoin. Ça fait partie du dispositif pédagogique et on ne sait pas faire autrement. En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas su remplacer ça. Et donc, c'est ça qui est important aussi de comprendre. Quand tu dis « jusqu'à maintenant », pourquoi tu dis « jusqu'à maintenant » ? Mais parce que nous, on l'a vu, par exemple, dans le boulot, on a fait beaucoup de télétravail, des réunions avec Zoom, voilà. Oui, mais ça, c'est tout récent, là, ça vient de se passer au moins, il y a quelques mois, quoi. Donc, oui. C'est nouveau, ça vient de sortir. Oui, oui. Mais il y a, je dirais, presque comme une sorte de normalisation déjà en route. Moi, je sens ça comme si, bon, finalement, faire une réunion derrière des écrans, ça marche aussi. Oui, peut-être une réunion pour prendre des décisions, pour faire circuler des informations, bien sûr, mais de la formation en co-construction avec des apprenants, eh ben, c'est difficile en numérique. C'est très difficile. Et ce n'est pas la même chose que de faire un virement bien tranquillement. Non, mais voilà, on ne parle pas de la même chose. On n'a pas les mêmes objectifs. On ne cherche pas à faire la même chose. Et il ne faut pas imaginer qu'on va tout pouvoir numériser, parce qu'il y a des choses où on n'y parvient pas. Mais oui, enfin, qui décide ça, que quand il dit faut pas croire, non, on pourra pas numériser ça. Qui décide ça? Nous, en tout cas, quand on fait ce type de campagne, quand le piment fait ce type de capsule, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on exprime, c'est ça qu'on dénonce peut-être, et c'est ça qu'on revendique, de dire on a encore besoin de présentiel. Mais c'est dans les services publics. Mais c'est très important ce que tu dis. Bien sûr. Alors c'est à la fois dans les services publics, c'est à la fois dans les services d'intérêt généraux. Il faut pouvoir continuer à donner ne serait-ce qu'un coup de fil pour prendre un rendez-vous médical et pas être renvoyé constamment sur des plateformes Internet. On a, ça c'est le minimum de chez minimum. Et puis, ben, dans des secteurs comme le nôtre, où on travaille principalement dans des relations humaines, dans des relations pédagogiques, le présentiel doit rester, la norme et pas le numérique. Donc, on ne peut pas dire simplement, allez hop, maintenant, Teams, Zoom, tout ça. Non, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça, j'en suis pratiquement persuadée. Oula. Mais du coup, tout ça arrive aussi, alors, depuis le mois de mars et le confinement, quoi. C'est une peur qui est toute nouvelle, qui vient un peu frapper aux portes alors qu'on s'y attendait pas, on s'attendait pas à ça. C'est ça aussi ? Cette prise de conscience que, mais quoi, ça veut dire que l'alpha, en tout cas tous les apprentissages pourraient devenir numériques. Il y a cette peur-là. Alors, pour prolonger ce que Aurélie dit, en effet, la situation de la Porte Verte, c'est 120 apprenants sur une année. Donc, lorsque le coronavirus est arrivé, on a essayé de garder le contact au travers de plusieurs biais. Heureusement, certains formateurs utilisaient WhatsApp pendant leur séance de cours. Ils ont utilisé ce biais-là pour continuer à les contacter et essayer, tant bien que mal, de garder une soi-disant continuité pédagogique. D'autres formateurs ont tenté de contacter au travers de certaines adresses mail. Tout comme une stagiaire l'a dit, tout le monde ne dispose pas d'une adresse mail. Nous, dans nos listes d'apprenants, on n'a pas ces infos systématiquement. Par contre, ce que l'on a, ce sont les numéros de téléphone. Donc, ils répondent le plus facilement au travers des numéros de téléphone. Voilà, ils sont très, très difficilement contactables. Je pense que la barrière de la langue joue énormément. Ce n'est pas parce qu'on envoie un message que les apprenants répondent systématiquement. Et donc, ça peut décourager. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas. Soit ils n'ont pas l'outil nécessaire, soit ils ne sont pas en condition, soit ils n'arrivent pas à s'exprimer. On a des groupes qui vont de oral débutant, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas du tout, jusqu'à oral 3, lecture 3, donc c'est assez avancé. Ça, c'est en alphabétisation. Et en français langue étrangère, on va de A1 à A2. Et là, on constate que ce public français langue étrangère utilise plutôt bien leur smartphone, mais ils répondent aussi s'ils le veulent ou pas. Cet outil numérique, c'est un avantage, comme ça a été mentionné, si on sait l'utiliser, malheureusement. Mais en l'état, il faut former les personnes. Et comme ça a été mentionné encore à nouveau, c'est une double difficulté lorsque l'on ne sait pas utiliser soit un ordi, soit un smartphone, ou bien lorsque l'on ne sait pas s'exprimer, tout simplement. Donc ça rajoute de la difficulté sur de la difficulté. Et voilà. Moi, j'ai perdu un peu le fil du pourquoi, tout ce que tu disais. Lors du confinement, il y a des formateurs qui gardaient le lien via le téléphone, Et tu dis aussi que des apprenants ne répondent pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça, au fond? J'ai perdu le fil un peu de... Le fil, c'est que... L'outil numérique, hein, tout téléphone, ordinateur, c'est magique, c'est super, tant qu'on sait l'utiliser. Mais à partir du moment où on ne sait pas l'utiliser, et le public de la Porte Verte, en tout cas, majoritairement, soit n'a pas envie, soit ne sait pas. Soit n'a pas envie, quand tu dis qu'un apprenant ne répond pas au formateur, c'est qu'il n'a pas envie, c'est ça que tu dis? Non. Soit il n'a pas envie à cause de la situation dans laquelle il est. Donc, à nouveau, c'est encore cette question. Soit il n'a pas le matériel, soit il n'a pas les compétences de base en informatique pour pouvoir répondre. Donc, c'est différents niveaux. Et là, la difficulté, c'est une partie de mon équipe me dit, j'ai envoyé des WhatsApp, mais j'ai aucune réponse. Mais voilà, c'est du public en alpha. Il y a différents facteurs. On ne sait pas, parce qu'on ne va pas entrer dans le domicile de nos apprenants. Ils ont droit à leur vie privée. Oui, mais quand ils reviennent, j'imagine que vous avez un petit retour. Tiens, je t'ai envoyé un message. Tu l'as reçu ou pas? Vous essayez d'un peu avoir un retour quand même de ça, non? Justement, on essaye. C'est ça, on essaye, mais on n'a pas forcément de retour. C'est ça la difficulté. Et donc maintenant, on est en phase d'inscription. Et là, on va faire un état des lieux. Donc, par rapport aux personnes qui étaient inscrites l'année précédente, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé au final. Mais... D'accord. Parce que ce qui est chouette, ben voilà, toi, t'as ton... C'est... Moi, je dois rebondir aussi, vous voyez. Mais donc, moi, je trouvais ça intéressant de dire que oui, la campagne... Enfin, j'aime pas ce mot, cette campagne. Comment on pourrait appeler ça autrement? Une mobilisation? Mobilisation pendant... Pendant combien de temps, d'ailleurs? C'est combien de temps que ça dure, cette campagne? Ben là, elle a commencé le 1er septembre, donc avec la première capsule petit film qui a été mis sur Facebook et ça va durer jusqu'au 8. Il y a 4 films en tout qui seront montrés pour dénoncer justement cette situation. Qui seront montrés ? Non, qui sont visibles ? Oui, oui, oui. Ou bien il y a une fête quelque part et qui seront montrés à un endroit ? Alors il y a des cinémas à Bruxelles qui vont aussi les diffuser, donc Vendôme, Aventure, Cinéma Galerie, ça c'est ceux, et le White, le cinéma des Docks, là, qui a... Voilà, donc ces 4 cinémas qui vont aussi les montrer dans les salles obscures. Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça en grand format. Donc ça, c'est très chouette. Et du coup, oui, c'est la mobilisation, une mobilisation pendant une semaine, comme ça, pour parler de tout ça, pour mettre en lumière tout ça. Moi, je reste du côté d'Aurélie, mais c'est vrai que vous êtes tout jeune, vous démarrez, vous n'avez pas grand-chose à dire, au fond. En plus, avec le confinement, vous n'avez pas été proche des gens. C'est vrai, non ? Mais je pense que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu disais, Aurélie. Je pense que ça a été quand même vraiment quelque chose qui a été mis en avant par les formateurs, les formatrices et les apprenantes, on va dire ça comme ça. C'est le besoin du lien social. Parce qu'on parle de réunion, on peut dire des choses, voilà, un peu les points... l'ordre du jour, blablabla, mais tout ce qui fait la relation, le fait que tu puisses garder contact avec tes stagiaires, enfin voilà, je trouve qu'au Piment, il y a vraiment cette ambiance-là, c'est faire du thé, c'est faire à manger ensemble, il y a vraiment ça qui, du coup, était plus là, et qui manque cruellement, et je pense que quand il y a des... Alors, tu vas me demander qui, je ne sais pas. Quand il y a des propositions d'applications, des choses comme ça, pour remplacer les cours en présentiel, je pense que c'est super important qu'on s'oppose à ça, et donc qui décide, je te rejoins Aurélie, c'est nous aussi, c'est de s'opposer à ça. C'est de dire, non, désolé, on ne sera pas remplacé par des écrans, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que les échanges se font voilà, enfin, pour moi c'est important de s'opposer à ça parce que sinon tu perds le lien, tu deviens un écran. Nous quand on s'est revus dans les locaux du Piment, ça faisait un peu bizarre, tu es en 3D, il y a un peu quelque chose, c'était marrant parce qu'on a passé des mois à se voir entre guillemets mais pas vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose de différent, quoi. C'est en fait quelque chose d'informel qui fait que voilà, on est des animaux sociaux, on a besoin de se sentir enfin voilà, je pense que c'est, pour moi c'est vraiment important et je pense que toute l'équipe du Piment est derrière moi pour dire ça, voilà, c'est important, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Victoria vient de dire, même par rapport à mon expérience personnelle, moi en tant que formateur, ça a été vraiment difficile de me retrouver comme ça du jour au lendemain coupé de mon groupe. Je me suis senti vraiment assez désemparé parce que voilà, être formateur, c'est effectivement c'est partager un local, c'est comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est partager beaucoup plus de choses que juste de la matière, quoi. Juste de la matière d'apprentissage, c'est pas juste ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que les cours, c'est voilà, il faut voir le point A, le point B, le point C, et puis c'est bon. Mais pour moi, non, pas du tout. Et le fait aussi, on a parlé des liens, moi j'ai pas vraiment réussi à garder le lien avec mon groupe, avec mes apprenants, parce que moi j'avais pas WhatsApp, j'ai pas de smartphone, et donc j'ai vraiment eu du mal à garder ce lien. Avec les mails, ça a pas fonctionné, parce qu'effectivement la moitié n'allait pas voir leur mail régulièrement, on n'avait pas d'adresse, donc ça m'a assez fort touché aussi, moi en tant que formateur. J'ai senti que mon rapport par rapport à ce travail, par rapport à ce métier, bah, il a été fort questionné et je me suis dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'on veut en faire de ce métier de formateur ? Qu'est-ce qu'on veut en faire et vers quoi ça va évoluer ? Et moi, j'ai besoin d'être dans un lieu, dans un local, de partager, mais aussi avec mes collègues, hein, c'est la même chose. Si je ne vois pas mes collègues, oui, on se voyait toutes les semaines par un écran interposé, notamment pour le projet. S'il n'y avait pas ça, ça aurait été très difficile, mais même avec ça, c'était quand même difficile. Et je pense que c'est chouette que les apprenants entre eux ont aussi pu garder des liens à certains moments. Oui, mais donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais que... Non, c'est, j'entends bien que vous, ici, vous faites partie des gens où le lien, c'est important, se regarder dans les yeux, se déplacer, être en formation avec les gens. Vous ne voulez pas le faire via